Et c'est l'heure d'écouter l'émission Johnny de A à Z, ici et nulle part ailleurs. Laisse donc un peu les filles. Allez, on va reculer ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric et bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z, ici sur RIG, tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. On retrouve cette émission sur la FM, la bande FM sur Bordeaux ou sur le 90.7 et également sur internet via le rigfm.fr. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission avec un album de la semaine qui est l'album L'Attente. L'Attente, ben ouais, Johnny est de retour dans les bacs le 12 novembre 2012 avec cet album L'Attente. Entre balade et guitare saturée, le rocker mythique a décidé de revenir aux fondamentaux. Et dans cet album L'Attente, réalisé à Saint-Barthélemy et à Los Angeles, le public découvre 11 titres enregistrés pendant l'été 2012 dans une optique différente des précédents albums, comme l'explique le chanteur. J'ai beaucoup parlé de ma vie dans les chansons qui ont énormément de rapport avec moi et ma vie privée, ce que j'ai voulu un petit peu écarter pour cet album. J'ai voulu chanter un peu comme un acteur quand il doit être un personnage différent et qui joue le rôle de quelqu'un d'autre. Et le ton est donné avec, par la plume de Miossec. Le Breton a signé plus de la moitié des titres du disque. Un album qui tombe à pic pour relancer la tournée d'automne du chanteur affaibli par des soucis de santé cet été-là, mais dont la voix reste intacte. En effet, Bertrand Lamblot, le directeur artistique de Johnny chez Warner, déclara plus tard que l'album a été enregistré dans des conditions et des contextes très compliqués. Une aventure un peu hors norme. Et selon le journal Le Figaro, il en résulte un disque enfin digne du statut dont on continue de jouir son auteur 50 ans après ses débuts. Sur les réseaux sociaux, les fans du rocker se sont empressés de commenter l'album. Là encore, L'Attente fait l'unanimité. Sur Twitter, les internautes reconnaissent un disque plus fidèle au personnage que l'album Jamais Seul composé par M. Magnifique et sublime sont les mots qui reviennent souvent sur le réseau social pour qualifier L'Attente. Les fans sont charmés par la voix de Johnny qui donne des frissons, et une chanson en particulier a marqué les internautes, 20 ans. À travers ce titre, Johnny évoque sans nostalgie et avec le tact les affres du temps qui passe. On va écouter plusieurs titres de cet album de la semaine et on va aussi écouter un des extraits de l'émission Podcast 51, une émission que présentaient Francis Chaillet et Jean-François Chenu sur l'album L'Attente. Jean-François Chenu va nous parler de tout ce qu'a pu lui dire Bertrand Lamblot au sujet de cet album-là. On va découvrir ça au fur et à mesure de cette soirée. On va commencer tout de suite cette émission avec un premier titre de l'album de la semaine. Voici tout de suite Refaire l'histoire. Bonne écoute sur l'antenne de RIG et l'émission Johnny de A à Z. La vie, la mort, l'amour, encore, jamais lui le plus fort. Vivre sans toi, chacun pour soi, à l'ombre de ses pas. Je rêve encore. Le soir en fermant les yeux, je veux si fort refaire le jour l'histoire pour toi. Au creux de mes bras, refaire le monde comme si Dieu n'existait pas. Refaire l'histoire encore une. Payer en silence le prix de l'existence. Ennemis, alliés,

dans sa loge, en exclusivité sur RTL. Ça va, tu vas bien? Ben oui, je vais bien. Ouais. Alors voilà, on se retrouve sur une nouvelle étape importante de la tournée. Oui, puisque nous sommes dans les coulisses du Stade de France. Ouais, ce sera la 9e fois que je le fais. Alors, vous avez redécouvert cet endroit. Il s'est passé des choses ici. Plein de souvenirs, oui. C'est un stade magnifique, le Stade de France. Okay. Et par rapport au stade en général, le Stade de France a un bon son. Il est beaucoup plus facile à sonoriser que certains autres stades. En plus, on a déjà fait le spectacle plusieurs fois en province. Donc, on est assez serein parce que le spectacle plaît au public. Donc, le principal, c'est que ça plaise au public. Hein. Ça s'apprivoise, un spectacle. Ça y est, vous l'avez apprivoisé. On prend nos places petit à petit et puis ça se fait tout à fait normalement, comme une pièce de théâtre. D'ailleurs, quand on répète au théâtre, ça me rappelle des souvenirs d'ailleurs. Et on est là pour s'amuser, on est là pour que les gens s'amusent. Voilà, on n'est pas là pour prendre la tête. La dernière fois qu'on s'est vu à Los Angeles, vous m'aviez dit que vous aviez lancé des invitations pour ces 3 jours au Stade de France. Est-ce qu'il y a des amis qui vont venir vous rejoindre? Oui, oui, il y a Eddie qui va venir. Eddie qui a dit qu'il quittait la scène. Non, mais il va quand même venir faire une chanson avec moi sur scène. Tous les soirs, je fais un duo également avec Bertignac. Il nous fait rebondir sur sa guitare aussi. Il nous fait des super solos de guitare. Bon. Moi, j'adore lui. Voilà, et puis il y a Pascal Obispo qui va venir, voilà, il y a quelques amis qui vont venir, et puis il y a Maria Men, la Canadienne que j'ai ramenée du Canada, qui va venir faire un duo avec moi également après sa première partie. Oui, voilà, elle va faire la première partie. Oui, elle aussi va faire la première partie de dimanche, oui. Voilà, il y a 3 groupes différents sur les 3 jours, en première partie avant Bertignac. Oui, absolument. Vous auriez aimé à 20 ans qu'on vous donne votre chance, vous dire, allez, viens chanter en première partie. Non, j'aurais bien aimé, mais malheureusement, quand j'ai commencé, ça n'existait pas ce genre de spectacle. Il n'y avait pas de stade pour faire des spectacles, il n'y avait pas de première partie, enfin c'était très rare en tout cas. Vous allez souffler les bougies? Oh oui, encore une fois. Ça revient chaque année, ça, c'est terrible. Oui, bon, oui, mais bon, ça fait plaisir aux enfants, ça fait plaisir à tout le monde. Moi, personnellement, je suis à un âge où j'ai plus tellement envie de le fêter, moi, parce que je prends un an de plus à chaque fois, ça me... Mais enfin, bon, ça va, je suis en forme, tout va bien. Évidemment, le public va vous chanter un joyeux anniversaire, hein, c'est un rituel. Hein. C'est devenu un rituel, oui. Et c'est pour ça que je fais le Stade de France, d'ailleurs. Dans votre tête, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une dizaine de concerts, votre anniversaire, ici au Stade. Vous êtes plus que jamais motivé? Oui, je suis motivé, puis je suis très content du spectacle. Vous savez, j'ai une équipe qui ont travaillé autour de moi, une équipe formidable. Le Canadien, notamment, qui a trouvé les effets spéciaux, qui m'a aidé à trouver mon entrée sur scène. Yves Aucoin, en collaboration avec Jacques Roverolis aux Lumières. Je crois que ce concert est beaucoup plus abouti que celui d'avant, d'ailleurs. Très honnêtement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour vos 69 ans? Eh bien, que le public soit content. Moi, vous savez, moi, ce que je cherche le plus, c'est de faire des beaux spectacles pour que le public soit heureux. Voilà, ben, ça, c'est mon plus grand souhait. Ça me rend heureux. Ce qui rend heureux les autres me rend heureux, moi. Est-ce que vous êtes au courant qu'une chanteuse, la chanteuse Camille, chanteuse française, a repris la chanson Que je t'aime? Vous l'avez entendue? Oui, je l'ai entendue sur YouTube, oui. Oui, oui, c'est bien d'ailleurs, c'est super. Vous avez vu ce qu'elle en fait, c'est incroyable. Oui, oui, c'est bien, c'est beaucoup plus doux que moi. C'est très personnel, c'est très intime, je trouve ça très joli. Ouais, bravo. Je l'ai écouté vraiment avec énormément de plaisir. Un duo, voilà. Une idée de duo. Bon, mais merci, Johnny. Merci à vous. Bon stade. Merci. Et qu'est-ce que vous allez faire juste 3 minutes avant de rentrer sur scène? Qu'est-ce qui se passe dans le 5-4-3-2-1? Vous êtes où? Vous parlez à qui? Je parle à personne. Je suis dans ma bulle qui va me monter dans le ciel pour me transporter sur la scène. Pour pas trop me demander à ce moment-là, parce que c'est mon petit moment de panique à moi, ça. Vous avez le vertige. En plus, j'ai le vertige. Oui, mais je fais toujours les trucs, moi, qui me... voilà, j'ai le vertige, mais je rêve toujours par le haut. Merci, Johnny. Merci. Johnny, au micro de Anthony Martin, c'était sur RTL, et c'était le 15 juin 2012. On reste dans le thème de l'émission 2012, comme l'album de la semaine, L'Attente. Voici maintenant, c'est en direct du stade. Ça, c'était en direct. C'était, voici, excuse-moi, partenaire. Bras tendu. Offert Paris! Vous allez bien? Nous sommes très, très heureux d'être avec vous ce soir. L'événement Johnny au Stade de France sur RTL. De venir à toi, mais c'est avec ma môme que tu danses là. Hey. tu ne vas pas te rire, de paraître froid. Et tu sais, on s'est disputé tous les deux. Son cœur disait c'est fini. De parler comme ça, mais tu sais, ces quelques pleurs me sont chers. Et tu peux dire, oui, en regardant ses yeux, oh non, tu ne pensais pas, ne pensais pas à tout ça. Sa chorale préférée, celle des 60 000 fans ici au Stade de France. Johnny, tout de noir vêtu, hein, en cuir, des pieds à la tête, le blouson, le pantalon, tout est en cuir et il battait le rythme avec son pied de micro. On sent qu'il est vraiment, il a retrouvé. Voilà. Il y a une expression américaine en anglais qui dit Rock'n'roll is dead. Ce qui veut dire le rock'n'roll est mort. Mais c'est pas vrai. Le rock'n'roll n'est pas mort pour ceux qui sont rock et qui sont pas morts. Pour un jour avoir des souvenirs. Pas de blé pour le concert, plus de blé pour les fans. Et dans le métro désert, quelque chose qui se déglingue. Pas de blé pour le concert, plus de blé pour les fans. Et dans le métro désert, quelque chose qui se déglingue. L'album Ça ne change pas un homme de 1991, c'est un titre qui a été écrit par Étienne Rodagil et composé par Tony Joe White qui joue de l'harmonica et de la guitare sur ce morceau. Normal, c'est son morceau, c'est lui qui l'a composé, donc il est normal qu'il y participe, voilà. Revenons à l'album de la semaine qui date de 2012 et qui s'intitule L'Attente. Et pour le coup, j'ai piqué quelques extraits de l'émission Postcard 51, une émission présentée par Francis Chaillet et Jean-François Chenu au sujet de l'album L'Attente. Et Jean-François Chenu nous raconte l'histoire de cet album, justement assez mouvementée. Et puis il a enregistré un album avec Mathieu Chédid qui s'appelle Jamais Seul, qui est un flop. C'est un échec commercial, même si Johnny s'est sûrement fait plaisir en faisant cet album avec des musiciens et en retrouvant les studios après ses problèmes de santé. Et toujours est-il que même le titre de l'album est retiré de l'affiche, puisqu'au ouais. départ, ça devait être le Jamais Seul Tour, c'est vrai. Et que c'était une telle contre-publicité pour une tournée qui a un peu de mal à démarrer, un peu de mal à remplir, qu'on retire Jamais Seul de l'affiche. Dans ce contexte-là, il va démarrer sa tournée sans avoir de titre. De nouveaux titres à défendre, ce qui est assez rare. Et il va donc remonter sur scène, il répète à Los Angeles, il arrive en France, il s'installe pendant quelques jours à Montpellier, et puis après un petit tour en Belgique, en Suisse, Genève pour la Suisse, Anvers pour la Belgique, et il a rendez-vous au Stade de France les 15, 16 et 17 ouais. juin. Pour la première fois, le stade n'est pas rempli. Troisième soir, le dimanche, tout le haut du stade est bâché. Ça n'est jamais arrivé à Johnny. Ils ont distribué des places gratuitement sur la pelouse pour meubler. Donc il y a vraiment là un problème pour le moment. D'abord parce qu'il y a l'échec de cet album. Quand t'as pas de nouvelles chansons à défendre, et puis sans doute le fait qu'il sort d'une période compliquée, maladie et tout ça. Et donc le public est un peu

et aller un peu de l'autre côté, voir comment vit l'autre moitié. Il y a encore des terrains vagues avec des gosses en salopette. Oh oui, il y a encore des trous dans la terre où les hommes cherchent du charbon. Extrait de l'album Flagrant Délit sorti en 1971. Et donc le livre disque devrait apparaître cette année. Oui, quand ? Ben on ne sait pas trop encore. Il y a plusieurs dates qui circulent, mais pour l'instant, on ne sait toujours pas. Arrivons maintenant au duo Impossible. Je vous explique un peu le principe. On prend Juna Hédé et puis un autre chanteur. Ils auraient pu faire un duo à l'époque. Oui, à l'époque, oui, alors 1960, dans les années 70, dans les années 80, 90. Mais ça ne s'est jamais fait, faute de rencontres ou quoi que ce soit, ou de mauvaises ententes avec les maisons de disques et compagnie. Sauf que, ben oui, évidemment, votre serviteur s'occupe de ça. On essaie un peu d'arranger des choses. On va prendre une chanson que Johnny a repris d'un autre chanteur et puis on en fait un duo. Donc il y aura une version anglaise, une version française. Ce sera le cas pour le duo de ce soir qui s'appelle Toujours le même ou Still the same. Bob Seger et Johnny Hallyday. On écoute ça tout de suite sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Cette fois, je ne veux plus m'en aller. Et si ça vous plaît, ces duos impossibles, et peut-être que vous aurez droit à une prochaine émission. Oui, tout un lot. Tout un lot de duos impossibles. Ouais, ça peut être sympa. Je pense que je suis un chanteur de variété, revu et corrigé par le rock'n'roll, mais je ne suis pas un chanteur de rock'n'roll pur. Johnny et les années 80. C'est le seul titre Johnny où on entend de l'accordéon dessus. C'est le titre Je n'en suis plus capable, extrait de l'album La Peur de 1982. Gâcher mon pauvre talent à pleurer une maîtresse qui reproche à mes deux fesses d'être le lierre de mon divan, de dire que Dieu est coupable de m'avoir jeté sur terre sans la force de Jupiter. Je n'en suis plus capable. Je n'en suis plus capable. Reprocher à mes aïeux d'avoir mal planté leurs graines et d'avoir changé ce chêne en bois mort pour faire ton feu. Être l'agneau de la fable ou être sur ton chemin comme la chèvre est à ce gain. Je n'en suis plus. Laisser pourrir ma mémoire devant le seuil de ta porte, me cacher comme un cloporte au fond d'un de tes tiroirs, oui, faire de toi une cathédrale, porter la croix au clocher. Sous un gibet, de cracher sur ma revanche et briser la canne blanche de l'aveugle que j'étais. Accrocher ma peau de diable à un clou de ton grenier et te dire que j'ai changé. Pour toi, j'en suis capable. Holiday by Holiday. Johnny en live. En moment la musique. Allez, on repart du côté de 2012. Pour suivre Johnny Holiday on stage avec Who I Have Nothing avec Amy Keys. Who have nothing. I have no one. Adore you and want you so. I'm just a no one with nothing to give you. But I love you. She buys you diamonds. Semaine qui est l'attente, qui est sortie donc le 12 novembre 2012, et on retrouve également Jean-François Chenu et Francis Chaillet pour nous parler des péripéties de cet album. Alors pour ce projet d'album, bah qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à la vieille garde, en tout cas à ceux qui ont déjà travaillé avec lui et avec succès, et donc on fait appel à Yvan Cassard, valeur sûre, et Bertrand Lamblot, producteur qui a fait la production des derniers albums chez Universal, notamment À la vie et à la mort et Ma vérité, qui ont tous très bien marché. Donc voilà, je dirais que le décor est posé. Alors Johnny n'a pas beaucoup de temps puisqu'il est en tournée. Il a une fenêtre de tir qui est intéressante, c'est les vacances où il va aller à Saint-Barth en août. Alors tu me diras, mais on n'enregistre pas à Saint-Barth. Eh bien si on peut enregistrer à Saint-Barth, il y a c'est extraordinaire, il y a un endroit qui s'appelle l'Eden Rock, qui est un hôtel 5 étoiles, où évidemment beaucoup de stars du showbiz vont en vacances. Et bien là-bas, il y a une villa, et dans cette villa, ils ont aménagé un studio d'enregistrement pour permettre aux rockstars de passage de pouvoir travailler si besoin. Et ce studio est équipé d'une ancienne console d'Abbey Road. Donc voilà. Donc il pourra, a priori, faire ses voix, puisque c'est comme ça que le planning est établi. Au départ, l'enregistrement,

Gardez votre casque sur les oreilles. Vous écoutez Johnny de A à Z. Retrouver Antoine Decaune et sa rubrique L'Odyssée de Junaïdi. Cette fois-ci, ce sera avec le titre Si j'étais un charpentier. L'Odyssée, Johnny Hallyday. Si j'étais un charpentier, vous en seriez mari, parce que je ne serais ici à vous compter Johnny. Eh oui, c'est Antoine Decaune pour un nouvel épisode quotidien de L'Odyssée Hallyday. Cette fois, je vais vous parler de la version française de ceci. If I were a carpenter, you were a lady. Would you marry me anyway? Would you have my baby? Bien connu dans la langue de Johnny, grâce à Johnny justement, Si j'étais un charpentier est l'adaptation d'une chanson américaine If I Were a Carpenter de Tim Hardin, un auteur-compositeur-interprète au destin tragique puisqu'il a succombé à une surdose d'héroïne à 39 ans. Mais sa chanson la plus célèbre est immortelle et on n'en compte plus les reprises dans tous les styles. If a tinker were my tree, would you still find me? Il y a eu Bobby Darin, bien sûr, mais on en connaît aussi des versions par les Four Tops, Bob Seger, Robert Plant du groupe Led Zeppelin, ou encore le magnifique Johnny Cash et sa femme June Carter. Save your love through loneliness, save your love through sorrow, I gave you my onlyness. give me your tomorrow. Évidemment, les auditeurs français se souviennent surtout de la belle adaptation réalisée par Johnny, fin 66, sur un texte signé Long Chris. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, ah, mes mains seraient sèches et dures. En 1984, séjournant à Nashville pour le tournage d'une émission de télévision qui lui est consacrée par les enfants du rock, Johnny effectue une série de duos avec des vedettes qu'il aime et respecte, tels que Don Everly, des Everly Brothers, les Stray Cats, Tony Joe White ou encore Carl Perkins, le gars qui aime pas du tout, mais alors pas du tout, qu'on marche sur ses pompes ensuite d'une bleue. Only half of my shoes, but don't you step on my blue suede shoes. Yeah, well, you can do anything, step on my blue suede shoes. Toujours dans ce fameux Nashville en direct que j'ai eu l'honneur et le bonheur de produire en 84 pour les enfants du rock, il est une séquence à l'ambiance particulière, on pourrait presque dire recueillie, et qui est chère à mon cœur, celle où Johnny retrouve l'une des plus grandes chanteuses de la musique country, Emmylou Harris. Harris décide de chanter ensemble, ils optent pour le fameux If I Were a Carpenter de Tim Hardin qu'ils interprètent en version bilingue, moitié français, moitié anglais, sur un mode acoustique avec le simple accompagnement de guitare sèche qui laisse à ces deux voix exceptionnelles tout l'espace nécessaire à leurs envolées. Moi, quand j'écoute ça, j'ai des frissons, des gousi-gousis qui partent de là, non, plutôt de là, et qui remontent jusqu'ici. Vous voyez ce que je veux dire ? Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Amy, pourrais-tu alors m'épouser et porter notre enfant ? Following behind you. But save my love through loneliness. Save my love through sorrow. I'm giving you my loneliness. Come and give me your tomorrow. Un charpentier, si tu t'appelais Amy, oh mes mains seraient sèches et dures et les tiennes si fragiles. Well, save my love through loneliness, save my love through sorrow. I'm giving you my loneliness. Come and give me your tomorrow. And you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? Would you marry me anyway? Or would you have my baby? Would you marry me anyway? Would you have my baby? L'Odyssée, Johnny Hallyday. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, salut maintenant. Salut, à la semaine prochaine Antoine. On retrouve l'album de la semaine avec un titre de l'attente dans quelques secondes, juste après l'intervention de Francis Chaillet et de Jean-François Chenu, extrait donc de l'émission Podcast 51. Alors, l'idée de l'album, c'est laquelle ? Le constat que fait Bertrand Lamblot sur l'échec, entre autres, de Jamais Seul, c'est la faiblesse des textes. Et donc, c'est une des... Il attribue principalement la raison de ce flop au texte. Une fois qu'il a fait ce constat, qui pénalise vraiment les derniers albums, il a dans la tête de faire un cousin de rock'n'roll attitude, de gang ou de 100%, c'est-à-dire des albums qui sont portés par des textes solides. Quand il va lancer l'idée de l'album, quand Johnny fait un album, tout le monde a la solution. C'est-à-dire que après Jamais Seul, il y avait plein de personnes qui se proposaient, qui avaient la solution pour rebondir et qui étaient prêts à mais en fait, personne n'a les épaules taillées pour un album entier de Johnny. Il n'y a pas un nouveau de Palmas pour au moins 5-6 titres, enfin, même pas de Goldman ou de évidemment Berger. Encore une fois, il me racontait, tout le monde avait sa solution, il y avait plein d'idées, mais il n'y avait vraiment personne qui était capable d'endosser un album. Donc, il va recevoir entre 5 et 6 000 propositions de chansons pour l'album. Il faut faire le tri. Dans son idée, il faut que cet album soit un album, évidemment, donc, où les textes sont intéressants et surtout où Johnny assume son âge. Et donc, il va vouloir vraiment... C'est exactement ça. Assume le fait qu'il a plus 20 ans. On s'est fait un clin d'œil à une des chansons dont on parlera. C'est autour de cette idée majeure qu'il va travailler. Ouais. Et il y a un personnage qui va être clé. Dans l'écriture de cet album, c'est Miossec, qui a déjà travaillé avec Johnny. Il a ses premiers textes pour Johnny, il les a fait sur l'album de David, sur 100%. Et donc, Miossec va écrire 7 des 13 chansons de l'album. On n'est pas là pour payer les dettes, on a tous connu nos martyrs. On se contente de chaque miette, de chaque seconde, de chaque soupir. Il n'y a pas grand-chose que l'on regrette ou l'on ne veut plus se souvenir. On a bravé tant de tempêtes qu'on ne s'est même pas vu grandir. Dis-moi que la vie quand on n'a plus 20 ans, est-ce qu'on peut encore toucher le ciel quand on n'a plus 20 ans? Donne-moi des mots et des merveilles comme si j'avais 20 ans. Est-ce qu'on peut t'appeler mademoiselle? Tu as toujours. On joue toujours avec les allumettes, avec les flammes, avec le désir. On n'a qu'une envie, qu'une requête, de rire comme si on n'allait jamais mourir. On a passé l'âge d'être bête, pas celui de se faire éblouir. Chaque journée est une conquête qu'il faut abattre d'un sourire. Dis-moi que la vie est encore plus belle quand on n'a plus 20 ans. Est-ce qu'on peut encore toucher le ciel quand on n'a plus 20 ans? Donne-moi des mots et des merveilles comme si j'avais. Venu à bout de la bête et des nuits qui devaient rétrécir. On ne battra jamais en retraite, on a encore tant de choses à offrir. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Et toujours Johnny Hallyday en tournée en 2012 et avec ce titre, Cet homme que voilà. T'asseoir ici et tu vas m'écouter. La femme que j'aimais, tu me l'as fait quitter et je suis devenu cet homme que voilà. Te voilà perdu, et perdu de remords, pour n'avoir jamais su résister à ton corps. Tu ne le verras plus, cet homme que voilà. Je vais laisser la place, je plains mon successeur. Un jour, quoi que tu fasses, tu feras son malheur. Tu te rappelleras cet homme que voilà. Je connais ton programme. Votre main te réclame, que tu vas faire souffrir. Tes jolis yeux sans âme me dégoûtent à vomir. Tu vas détruire le bonheur et ton travail sur terre. Va faire couler des fleurs et va déclencher des guerres. Ton joli corps sans cœur va le vendre aux enchères. Attends pas trop longtemps, les vides n'attendent pas. Ce soir je voudrais te simplement, j'ai une question pour vous. Vous voulez que ça continue? Eh bien alors, juste après la pub. Hallyday by Hallyday. Johnny et la publicité. Ouais, c'est sérieux. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient de Blue. Optique 2000, c'est deux paires pour le prix d'une. La deuxième paire est gratuite, même en progressif solaire. Optique 2000. Grand Arabica, c'est le café que j'aime. Bon, maintenant, on va essayer de continuer. Un peu de musique. Depuis le premier matin où je me tiens debout sur mes jambes. J'ai des guitares autour du cou, sans compter les femmes qui s'y vendent. Sur les parkings et les tarmacs, c'est là que mes nuits se terminent. Les ongles bouffés par le trac, et le tour des yeux, bleu marine, et j'ai fini par voir. Oui, j'ai fini par croire qu'à toutes mes routes mènent aux marches qui montent à la Seine. Entre deux motos de police, tous les soirs à la même heure, j'ai rejoint le front des coulisses comme ma seconde demeure. Comme les enfants que j'ai faits quand il criait encore un tour. Dans les bras levés de la foule, j'ai trouvé mes doses d'amour. Et j'ai fini par croire. Oui, j'ai fini par croire qu'à toutes les routes mènent aux marches qui montent à la Seine. De toutes les routes. Parce que je m'arrête là. Je m'arrête là. Je sais ce que je perds. Et je sais ce que je laisse. Le paradis et l'enfer noyés dans la même tendresse. Une fois c'est ce matin. Je réponde sans même m'en apercevoir. J'ai grandi devant tout le monde, debout derrière une guitare. Et j'ai fini par croire. J'avais fini par croire que toutes les routes mènent aux marches qui montent à la Seine. J'avais fini par croire que toutes les routes mènent aux marches qui montent à la Seine. Oui, toutes les routes, toutes sauf la prochaine, parce que je m'arrête là. Je m'arrête là. Je m'arrête là, Francis Cabrel à la plume sur l'album Ça ne finira jamais. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On retrouve Johnny Hallyday le 15 juin 2012 au Stade de France et toujours aussi sur l'antenne de RTL. Ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule?

Johnny Hallyday, comme un voleur, extrait de l'album Hollywood de 1979. À présent, nous allons arriver à une version originale. Enfin, du moins, non, pardon, pas du tout. Oui, en principe, c'est la rubrique, la version originale adaptée pour Johnny Hallyday. Sauf que ce sera l'inverse. C'est Miossec qui a écrit plusieurs titres de l'album, sur l'album L'Attente, qui a repris une chanson de Johnny Hallyday de 1966. C'est le titre La fille à qui je pense. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. En retournant en 2012, suivre Johnny Hallyday en tournée. Et Johnny nous interprète la chanson de Jacques Brel, Quand on n'a que l'amour. L'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Oh, quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Et quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Mais quand on n'a que l'amour raison pour unique chanson,

ça ne finira jamais. Johnny et les films. Now since my baby left, I find a new place to dwell. Down at the end of Lonely Street, a heartbreak could tell. I'm so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I feel so lonely, lonely, I could die. And though it's always bad, you still can find some room for broken hearts and lovers to cry dead in the gloom. And be so lonely, baby. Oh, be so lonely. Oh, be so lonely, lonely, you could die. Well, the bed upstairs keep flowering. The desk clerk's dressed in black. I've been so long and lonely, Street will never come back. And that beautiful lonely baby, oh, that's so lonely. That feels so lonely, I could die. So if your baby leaves you and you've got a tale to tell, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel. Be so lonely, baby. Be so lonely, you'll be so lonely, lonely, you could die. Place to dwell down at the end of Lonely Street. A heartbreak could tell. I'll be lonely, baby. I'm so lonely. I feel so lonely, lonely. I could die. Heartbreak Hotel, extrait du film de Laetitia Masson, Love Me, c'était en l'an 2000. Johnny et les années 80. Quel métier fatigant. Parker connaît pas. C'est le temps qui flambe et qui fait sa loi. Parker, c'était quoi? Un homme simplement avec le génie. Et qui souffrait. Love Man, c'était comme un cri d'amour. Love Man, pour éloigner les vautours. Et là où tu es, Charlie, sois pas inquiet. Je connais la musique Charlie, continue sa vie pendant que tu te reposes. Mais t'en fais pas Charlie, t'en fais pas ta vie, asservi à quelque chose. Love Man, quelques accords parmi d'autres. Love Man, c'était une voix comme la nôtre. Et qui vibrait, qui nous parlait. Love Man, c'était comme une nuit d'amour. Love Man, une voix pour les mauvais jours. Et là où tu es, Dernier extrait de l'album de la semaine qui est L'Attente, sorti le 12 novembre 2012, hein, pas, hein, 2012. Et on retrouve le dernier extrait de Jean-François Chenu et de Francis Chaillet qui nous raconte l'histoire de cet album. Ils vont réussir à tout boucler pour le dimanche soir le mix va être validé par Johnny. Ouais. Le mastering, il se fait à New York. C'est alors à l'opposé de Los Angeles. C'est hallucinant. Donc Bertrand Lamblot fonce à New York. Il m'a dit, j'ai même eu un malaise tellement ouais. Stress. Et donc les bandes sont finalisées dans des délais mais incroyables. Donc imagine cet album qui pourtant respire quand tu le vois une forme de tranquillité a été fait dans des conditions mais hallucinantes. Et lui, il a qu'une, il se dit si jamais ça marche pas. C'est la cata. Et donc, il prend l'avion, il rentre à Paris, et à Paris, en arrivant, il lit Le Parisien, le quotidien Le Parisien, qui a écouté en avant-première l'album, et qui titre « On a retrouvé Johnny ». Et donc, il se dit, c'est gagné, ça, au moins, ça va, l'album va être bien accueilli. Ouais. Effectivement, l'album aura un bon airplay, surtout L'Attente, le titre L'Attente a un bon airplay radio. Pas mes singles. L'Attente, c'est une très très belle mélodie, une très jolie chanson qu'il fera sur scène. Et donc, il lance bien le projet. Et le résultat commercial sera bon puisque ils vont retrouver des niveaux de vente qui se situent entre 450 et 500 000 albums dans le contexte du marché du disque. C'est très bon score. Et c'est les ventes que fait Johnny dans ces années-là. Donc, ils sont vraiment passés près de la catastrophe. Chante pour un frère. Cette prière a le goût de la chair. C'est une prière que je grave dans la pierre. Cette prière est pour toi, mon vieux frère. D'amitié au matin, sans pitié, au revoir, à bientôt, à plus tard, à la vie de toujours, à la vie, à l'amour, au revoir. Qui s'avance, toi t'es fier. Cette prière a le goût de la terre. Cette prière est pour toi, mon vieux frère. Mais cette prière, je la sors de l'enfer. Au revoir. Prière pour un ami est le titre bonus de cet album L'Attente et qui était disponible dans le Digipack. Ah, on me dit qu'il y a à nouveau Francis Chaillet et Jean-François Chenu. Un mot sur la cover, ça s'est fait dans un studio à Los Angeles et par 40 degrés, il paraît que c'était horrible. On sent qu'il fait chaud. Il fait très très chaud et finalement ils ont fini par shooter dans la rue. Et il y a c'est une belle photo. C'est une belle photo. Mais alors c'est un Johnny, quand tu prends l'album précédent et celui-là, c'est pas le même Johnny, si tu veux. Là, c'est le Johnny californien, plutôt bronzé, plutôt en forme. Ce qu'il n'est pas en réalité puisqu'il a eu à nouveau des problèmes de santé. Mais en tout cas, c'est ce que tu ressens quand tu vois l'album. Donc le but recherché, c'était d'avoir des textes, des vraies chansons où Johnny assumait son âge. L'objectif de la production pour eux a été atteint avec ces chansons. Et alors, il y a quelqu'un qui a été très important aussi, on va le citer, il s'appelle Valmont. Ouais. C'est lui qui a été utilisé pour les mises à plat et les voix témoins. Et dans une interview du Parisien, l'intervieweur a posé une question à John Hayday. Il lui a demandé « Votre album va sortir pour la première fois en Angleterre ». Johnny a répondu « Oui, je n'ai rien demandé. C'est suite au concert que j'ai fait à Londres, au Royal Albert Hall. Et je vais même enregistrer 3 titres en anglais, « L'attente »,« 20 ans » et « L'amour à mort ». Il y a des paroles en anglais déjà sur « 20 ans » et « L'amour à mort » qui n'ont rien à voir avec la version française. En revanche, on va traduire « L'attente ». Je vais peut-être demander à Diane Warren, qui a fait des tubes pour plein de gens aux États-Unis, d'écrire les paroles. Mais on sait tous que L'attente est devenue A Better Man et les deux autres titres n'ont pas du tout vu le jour. On va écouter cette version anglaise de L'attente, A Better Man, sur RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Look at all these golden years, what did they bring to me? Now all the things I thought I wanted don't mean a thing to me. I see the birds upon the wires, they won't sing to me. I thought the sun would never fade when I was young. I could have been a better man, could have been the one for you. Now what is done may well be done, but still I know it's true. There could never be a man to feel a love for you like I did, like I do. Every dream I ever had seems so distant now. I know that every second chance has led me here somehow. To this street I used to know, it was so different then. Up the steps and to your door, and I remember when I thought the sun would never fade. When I was young, oh, I knew everything. I could have been a better man, been the one for you. Now what is done may well be done, but still I know it's true. There could never be a man to feel love for you like I did, like I do. Thank you. like I do. L'album va sortir le 12 novembre. Il y a d'abord eu le single La Tendre qui a été mis en, radio. Il va sortir le 12 novembre, donc faire un bon parcours. Il y a trois titres que Johnny va défendre sur scène. Donc, contrairement au précédent album, il y a des titres qu'il va pouvoir défendre sur scène. Il y aura La Tendre, bien sûr. Il y a 20 ans et il y a L'Amour à mort, qui est un titre plutôt rock. En tout cas, Johnny va donc reprendre sa tournée. Et l'album a permis à la billetterie de redécoller, donc l'objectif est atteint. Et dans la deuxième partie de cette tournée, il va, pour la première fois, et ça c'est vraiment intéressant, chanter à New York. Il va chanter au Beacon Theater, et sur scène, Mickey Jones va venir le rejoindre. Et ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il n'y a aucun témoignage sonore ni visuel de ce concert. Ça, ouais. Et il fait deux concerts fantastiques à l'Albert Hall de Londres, dans cette salle absolument mythique. Les critiques sont dithyrambiques. Donc, moi, je n'ai pas pu y aller, malheureusement, ni à l'un ni à l'autre, mais j'ai fait témoigner dans mon livre des gens qui y étaient. Et c'est passionnant. Et puis, il va à Tel Aviv, il va à Moscou, donc c'est quelque chose d'assez nouveau. Il retrouve la forme. Il y a eu une période difficile, il a retrouvé la forme. La tournée redémarre, se passe bien, et puis voilà, la machine est vraiment repartie. Mais l'album était nécessaire parce que ça manquait certainement pour le démarrage de la tournée. Donc l'objectif, sont fixés les producteurs avec cet album, a été atteint. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On retrouve le dernier live de la soirée, Johnny Hallyday, qui nous propose une chanson de son dernier album. C'était le 20 décembre 2012. Johnny Hallyday était à Lyon. À la Halle Garnier, et pour interpréter le titre, L'Amour à mort. Il a quitté les siens en trouvant de courage. On n'a plus peur de rien quand le feu se propage. Du grand voyage. Try. Ainsi s'achève cette émission dédiée à l'album L'Attente sorti en novembre 2012. Je remercie toutes et tous d'avoir écouté, participé à cette émission et on se donne rendez-vous promis pour la semaine prochaine pour une nouvelle aventure avec Johnny Hallyday. À bientôt à toutes et à tous. Ciao, ciao.